Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Il y a 75 ans, les camps de concentration et d'extermination étaient libérés. Mais comment retrouver la liberté après l'expérience concentrationnaire ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mais qui sont les témoins ? Mais où sont les témoins ? Qui peut dire ce qui s'est passé ? Qui certifie ou qui peut certifier ce qu'il a vu, ce qu'elle a vu et entendu ? En exergue de son livre « Les Inséparables », Simone Veil et ses sœurs, l'historienne Dominique Missica rapporte les propos de Jean d'Ormesson lors de la réception de Simone Veil à l'Académie française. L'histoire commence comme un conte de fées. Il était une fois, sous le soleil du midi, à Nice, une famille sereine et unie, à qui l'avenir promettait le bonheur et la paix. Et là, Dominique Missica rajoute ces quelques mots. La suite est une tragédie. Oui, il y a de la légèreté dans ces années 1930 pour plein d'hommes, plein de femmes, plein d'enfants. La suite est une tragédie. Le temps a passé. Mais qui sont les témoins ? Mais où sont les témoins ? Mais qui sont les témoins des témoins ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, 75 ans après la libération des camps. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux camps après le camp, aux camps qui restent présents dans les mémoires. Ces émissions, vous pouvez les réécouter en ligne sur le site internet, le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, le podcast, si vous pouvez en discuter, sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, les camps après les camps, et pour nous en parler, Dominique Missica, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, éditrice, vous avez écrit « Les Inséparables », Simone Veil et ses sœurs, c'est au seuil. Vous avez écrit « Nous, les enfants de la guerre », 1939-1945, chez Talendier. Ce sont que deux de vos ouvrages, ce sont les derniers. « Nous, les enfants de la guerre », c'est intéressant comme démarche. Ça part de ces traces, en fait, de ce qu'il reste. En réalité, on ne s'est jamais véritablement interrogé sur ce qu'ont vécu les enfants pendant la guerre. C'est-à-dire que quand on a entre 8 et 12 ans, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on quitte sa maison, on est évacué si on vient d'Alsace-Lorraine. On a peur des bombes, on voit les bombes. On est sur les routes de l'Exode. On va à l'école... Pour les petits Alsaciens lorrains, dans le Périgord, où on est traité de yaya parce qu'on a un accent épouvantable, on a faim, on a froid, on n'a pas de vêtements. Les pères sont 1,8 million prisonniers de guerre, vont être absents pendant 5 ans. C'est une période extrêmement douloureuse et les enfants vivent la guerre autrement que les adultes, mais ils la vivent, ils la subissent. Et personne, au fond, n'avait vraiment essayé de comprendre. Alors, il y a beaucoup de témoignages de ceux qui ont vécu ces années-là, mais quand même de se poser la question, qu'est-ce que la guerre à hauteur d'enfant ? C'est important de revenir à l'humain. C'est vrai que quand nous parlons des 75 ans de la libération des camps, dans l'expression « il n'y a même pas d'humains », ce sont les camps qui sont libérés, ce qui est étonnant. Non, ce sont les déportés qui sont libérés. Et même en disant les déportés, c'est un ensemble. Et dans la démarche qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est de revenir à l'individu, que ce soit les enfants, que ce soit Simone Veil et ses sœurs. Et c'est votre démarche également, Sophie Naoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de documentaires. Vous avez notamment comme documentaire fait Jung et moi sur un boxeur juif à Auschwitz. Et là, vous publiez les derniers rencontres avec les survivants des camps de concentration. C'est un ouvrage chez Alizio. Mais cet ouvrage-là vit de pair avec tout un projet porté sur Internet. Oui, tout à fait. C'est une série de programmes courts qui s'appelle Les Derniers, que j'ai voulu en libre accès sur notre site lesderniers.org. Et c'est à destination essentiellement, je pense, des jeunes, enfin des nouvelles générations, de ceux qui ne pourront pas en fait rencontrer de témoins, ce qui est le cas de mes enfants. Et donc ça a été le point de départ de ma démarche. Alors c'est vrai que l'ouvrage par les témoignages est évidemment bouleversant, mais vraiment bouleversant. Merci. Et les témoignages eux-mêmes, et vous les portez, vous, et c'est vrai que il y a une modestie dans votre démarche à l'une et à l'autre, c'est parce que vous êtes, et nous allons développer ça, parce que c'est l'intérêt, le témoin de témoin. Mais pour commencer, eh bien, laissons la parole à celle qui vous a si guidé dans cette démarche-là, Dominique Misica, c'est Simone Veil. Simone Veil qui, en janvier 2007, dans une émission samedi l'après-midi à la télévision française, nous expliquait qu'elle n'est jamais vraiment sortie de la Shoah. Nous ne sommes jamais sortis de la Shoah. Nous vivons dans la Shoah, je crois qu'il faut le savoir. Moi, je vois les gens qui sont proches de moi. Ce sont quelques camarades avec lesquels j'ai vécu le camp. Et quand nous voyons, nous ne pouvons pas parler d'autre chose. Plus rien n'existe. Nos familles, d'ailleurs, nos familles le comprennent très bien. Ils savent que nous nous voyons, que nous parlons entre nous. Ils ne cherchent pas à être là. Alors nous, c'est notre réaction. Moi, j'ai en revanche quelqu'un de très proche dans ma famille qui n'en parle jamais, qui ne supporte pas d'en parler. Chacun a sa réaction, mais je crois que de toute façon, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, c'est que nous y vivons encore. Nous y vivons encore, Simone Veil, en 2007. Dominique Misica, racontez-nous comment est né ce projet, les inséparables, mais plus globalement votre démarche autour du travail sur les rapatriés après les camps, sur les déportés qui reviennent et le contact avec Simone Veil. Alors, il se trouve que j'avais été engagée en 2000 à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, où régulièrement je voyais Simone Veil pour des réunions. Alors, elle m'impressionnait évidemment comme elle impressionnait tout le monde. Encore que j'étais censée être quelqu'un qui l'apaisait, enfin qui l'écoutait en tout cas. J'avais cette réputation et quand elle était très mécontente, par exemple du courrier qui était envoyé, qui était pour les réponses aux déportés à la fondation, on lui disait mais appelez Dominique Misica. Alors bon, je venais et voilà, j'essayais de mais je l'écoutais surtout et je crois que j'avais un lien avec Simone Veil très particulier parce que je ne lui demandais rien, je ne cherchais pas à l'interviewer, je n'étais pas journaliste, je travaillais sur l'histoire de la déportation, sur l'histoire de la résistance aussi. À l'époque, j'étais la productrice des procès Barbie, Touvier, Papon, qui ont été diffusés aussi à France Culture. Donc, je savais qu'elle était un soutien pour tout ce que j'entreprenais. Il n'empêche que, une fois, régulièrement, elle m'appelait. Et là, c'est vrai qu'elle était, comme on l'entend là, très présente, très intense dans ce qu'elle disait. Et un jour de 2004, elle me téléphone et elle me dit... ici Simone Veil. Alors elle avait ce que ça me frappait, c'est que d'habitude on dit vous allez bien, vous avez froid, enfin, je sais pas, qu'elle a une petite phrase. Non, pas du tout. Elle rentrait toujours dans le vif du sujet, ce qui était aussi très intimidant. On se disait qu'est-ce qu'elle va me dire. Et elle m'a dit vous devez travailler sur le retour des déportés. On est en 2004. À l'époque, j'avais lancé une grande campagne d'enregistrement de 110 de déportés et fils de déportés. Et je lui dis, mais il y a des historiens qui travaillent sur ce sujet-là, Nedvěd Vorka, toute une équipe, etc. Pourquoi moi? Et elle se met à me raconter à quel point le retour, c'était moche. Et là, quand elle vous avait au téléphone, ça pouvait durer une heure et demie. Et j'écoute, je ne prends pas de notes parce qu'en fait, j'ai aucune raison de... Et en fait, cette conversation m'avait beaucoup troublée parce que c'était une urgence, c'était un message qu'elle me donnait, que j'ai enregistré presque inconsciemment. Dans ce que vous dites, Dominique Misica, il y a des mots qui apparaissent. Il y a le mot apaiser, le verbe écouter également, cette urgence de parler. Sophie Naoum, c'est un peu la même chose. Quand vous rencontrez, vous en avez rencontré combien de ces derniers, c'est le titre de votre ouvrage, ces témoins? Alors à ce jour, j'en suis à 25. J'ai 25 rencontres, 25 épisodes. J'en avais rencontré quelques-uns avant pour mon précédent documentaire. Voilà, c'est ma rencontre avec Jacques Altman, en fait, il y a 10 ans déjà. Qui a un peu tout déclenché, parce que justement, moi, alors c'est drôle, c'est un peu à l'inverse, mais j'étais très impressionnée de loin par ces gens, et je me demandais comment il fallait leur parler, enfin, est-ce qu'il fallait prendre une mine de circonstances, comme tout le monde le fait un peu, hein. Je me disais, je vais me retrouver quand même face à des gens qui sont des statues, et j'ai rencontré Jacques Altman, et il m'a tout de suite mis à l'aise, c'est-à-dire que et bêtement, je me suis dit, mais il est drôle, il est plein de vie, il est amusant, il parle de choses, des mêmes sujets que moi, et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on les voit toujours avec cette faire un peu, voilà, que sur la guerre et que sur des choses tragiques, alors que ce que j'ai tout de suite eu envie de souligner, c'est leur héroïsme, mais leur héroïsme après la guerre, parce que survivre à Auschwitz, c'est un miracle, c'est 2-3% de survie, enfin je veux dire, ils étaient voués à une mort certaine. Ce qui est remarquable et qui a été longtemps tu, c'est qu'ils sont revenus dans un pays très hostile, enfin dans une France, d'ailleurs c'est drôle, le président disait pendant son discours, ils sont rentrés chez eux, mais ils n'avaient plus de chez eux, enfin ils n'avaient plus d'appartement, ils n'avaient plus rien, on ne leur a pas rendu les appartements comme ça. Et c'est des gens qui se sont construits, qui ont avancé dans la vie avec une élégance, un courage, une force admirable. Et en fait, j'ai tout de suite voulu rendre hommage à ça, à mon petit niveau. Mais en tout cas, les montrer comme des héros et des exemples pour le présent et pour l'avenir, pas seulement le passé, quoi. Enfin. Et c'est vrai que nous avons l'image des déportés, ces corps décharnés au moment où les camps sont ouverts, mais au retour en France, ce n'est pas tout à fait ça. Vous le dites hein, dans votre ouvrage « Les Inséparables », Dominique Missika. Vous avez étudié à Simone Veil et ses sœurs. Et parmi les sœurs, il y a Denise Vernet, donc la sœur de Simone Veil, qui en fait, très rapidement après la guerre, c'est vrai que le tatouage est oublié, le corps se reconstitue et quand on marche dans la rue, on ne voit pas qu'on est déporté. Alors, dans le cas de Denise Vernet, la sœur aînée de Simone Veil, que personne ne connaît en dehors du milieu de la résistance et de la déportation, Denise Vernet, elle est revenue de Ravensbrück. Et quand elle revient de Ravensbrück, un mois avant sa sœur Simone et son autre sœur Milou, Denise est moins abîmée que d'autres. Et on l'invite à faire une conférence pour témoigner, donc ce qui prouve d'ailleurs que les témoins, enfin, ont tout de suite essayé de raconter. Et on lui propose de participer à une conférence parce que c'est une jeune héroïne de la résistance. Elle a 19 ans. Elle s'est engagée dans le mouvement franc-tireur à Lyon. Elle a été torturée par les sbires de Barbie, déportée à Ravensbrück avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Donc on l'invite à faire une conférence. Sauf que les organisateurs trouvent qu'elle a trop bonne mine. C'est consternant d'imaginer ça. Et donc, ils hésitent à la faire venir. Puis en définitive, il n'y a personne d'autre, donc on la fait venir. Mais ce retour pour Simone Veil et ses deux sœurs est très douloureux. Pourquoi ? Parce que, en effet, comme a dit Simone Veil, le retour, c'était moche. C'était moche, mais c'était moche parce que on les attendait plus. En effet, Paris a été libéré le 25 août 1944. Ils reviennent en avril, mai, juin 1945. Ils dérangent quelque part. Ils dérangent. Et puis il y a cette blessure que portera Simone Veil toute sa vie, c'est que l'accueil réservé aux résistants qui ont pris les armes contre la France n'est pas le même que pour les juifs, dits les déportés raciaux. Et cette inégalité, cette injustice, c'est un sujet extrêmement douloureux et assez tabou. Sophie Naoum, vous avez retrouvé cette analyse-là dans les discussions que vous avez pu avoir avec les derniers, survivants. Totalement, c'est très très clair. C'est-à-dire que, alors, pour le coup, moi, ceux que j'ai rencontrés étaient très abîmés, ont mis des mois et des années à s'en remettre. Robert Wajsman, il faisait 16 kilos au retour des camps. Il faisait la taille qu'il fait aujourd'hui. Hein. Enfin, il a mis plus d'un an. Donc moi, la plupart étaient dans des états catastrophiques et c'était très visible. Le corps a mis très longtemps à s'en remettre, voire ne s'en est jamais remis. C'est très clair aussi la différence entre l'accueil réservé aux résistants et l'accueil réservé aux juifs. C'est-à-dire que eux, la plupart m'ont dit, et je pense tout de suite à Esther Senot, m'a dit, on est arrivé comme un cheveu sur la soupe. On dérangeait un pays qui avait envie de vivre et qui avait pas du tout envie de nous revoir. Et le pire, c'est que quand ils racontaient, on leur disait, soit vous êtes des menteurs, soit, si ce que vous dites est vrai, qu'avez-vous fait pour vous en sortir ? Donc, de tous les côtés, ils étaient perdants. C'est-à-dire que il y avait une suspicion. Et du coup, je pense que, en effet, ça a créé une chape de plomb. Enfin, ça a provoqué leur silence. Alors, il y en avait comme Élie Buzyn qui disait que lui, il s'est tout de suite mis des œillères et il s'est efforcé d'avancer comme un cheval parce qu'il y avait, selon ses mots, à côté de lui et derrière lui un précipice dans lequel était englouti tout son monde et tous les siens et des millions d'autres, et que s'il regardait un tout petit peu à côté ou derrière, il se suicidait. Donc lui, il a adopté cette stratégie vraiment de se mettre des œillères, de ne regarder que vers l'avant. Mais il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui ont adopté cette stratégie d'avoir un objectif et d'essayer de ne plus penser à autre chose qu'à cet objectif professionnel. Il y en a qui ont fait médecine, comme Élie Buzyn d'ailleurs, après les camps, ce qui est, il ne l'a pas fait tout de suite après. Et puis évidemment, ça revenait la nuit chez tous, c'est-à-dire, enfin tous ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, faisaient des cauchemars atroces la nuit. Justement, pour cette réception des déportés de manière différente selon s'ils avaient été déportés pour acte de résistance ou bien pour origine raciale, comme on utilisait alors le mot, déportés raciaux, on va écouter le témoignage de Denise Vernet, donc la sœur de Simone Veil. Denise Vernet, qui était interrogée en août 1989 sur la troisième chaîne de la télévision française. Simone Veil, qui était donc juive comme vous, a été déportée pour raison raciale. Comment expliquez-vous cette différence de destin entre votre sœur et vous ? Tout à l'heure, vous avez parlé de torture et de déportation, mais j'aurais commencé par résistance avant, qui fait que dans ce cas-là, la torture et la déportation sont un accident de la résistance. C'était un risque que nous prenions, que nous avions choisi. Les juifs n'ont pas choisi d'être juifs, sauf de se dire juif, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Je trouvais que j'en avais assez à mon actif pour être arrêté. Mais je crois que la motivation fait que les choses sont tout à fait différentes. On se considérait comme des soldats. Enfin, je crois que c'est la différence entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Denise Vernet, la sœur de Simone Veil, qui parlait en 1989 à la télévision française et qui explique qu'elle a été déportée pour acte de résistance. Évidemment, elle n'a pas dit qu'elle était juive parce que ça ne servait à rien d'en rajouter. Dominique Missica, dans Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs, ce sont des destins extrêmement proches, mais parfois croisés. En l'occurrence, c'est le cas-là. C'est-à-dire qu'il y a, après la Seconde Guerre mondiale, une période complexe où en fait Denise est sous le feu des projecteurs parce qu'elle a été résistante et Simone Veil, elle, déportée parce que juive, est mise en retrait. C'est en fait le cœur du livre, c'est cette relation entre les deux sœurs. C'est pour ça que je l'ai appelée les inséparables, parce qu'à la fois elles sont inséparables parce qu'elles sont les seules survivantes de la famille Jacob. Il y avait 4 enfants, 2 parents, des cousins et des cousines. Elles ne sont plus que 2 en 1952, à la mort de Milou, la sœur aînée qui meurt dans un accident de voiture après avoir été déportée à Auschwitz et Bergen-Belsen avec Simone. Donc ces deux sœurs sont liées par le passé. Sauf que le passé, les souvenirs du passé ne sont pas les mêmes. Et Denise, qui est une femme extrêmement belle, alors j'ai toujours, ça m'a frappé parce que la première que j'ai rencontrée, c'est Denise Vernet. Mais j'avoue que je ne savais pas qu'elle était la sœur de Simone Veil. Et dans les années 90, je la rencontre parce que je travaille sur l'histoire de la résistance. Et quelques années plus tard, je suis engagée, donc, comme je l'ai dit, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah par Simone Veil, mais j'ignore totalement le lien de parenté. Et Simone Veil, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois elle m'appelait pour me parler de quelque chose qui lui tenait à cœur, etc. Et un matin, 9h du matin, ici, Simone Veil, je ne comprends pas comment vous avez pu aimer ce navet, ce téléfilm sur Jean Moulin. Et là, je me dis, mais pourquoi elle me pose cette question? Ça a strictement rien à voir. Là, je comprends pas. Et puis, alors, c'est... Oui, et puis de toute manière, au bout d'un moment, elle me dit, vous êtes toujours d'accord avec Denise. Et à ce moment-là, je découvre que tous les dimanches matin, les deux sœurs se voient, se racontent leur sans mari, sans enfant. Et elles parlent de quoi? Elles parlent du passé. Elle parle du souvenir d'avant la guerre, de la famille Jacob, de l'insouciance de cette famille qui habitait Nice. Et puis, évidemment, elle parle de ce qui fait l'actualité du camp, du camp de concentration. Sauf qu'elles n'ont pas la même mémoire. Elles n'ont pas, et c'est ça qui était très troublant, que j'ai voulu rendre dans ce livre, c'est que ce sont deux sœurs, mais deux sœurs antagonistes. Et cette mémoire-là évolue. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, les déportés résistants sont pris en considération, les déportés raciaux beaucoup moins. Absolument. Et il y a un retournement. À partir de quel moment cette mémoire change, Dominique Misica? Alors, c'est flagrant. En effet, Denise Vernet participe à des émissions de radio, de télévision. Elle est la cheville ouvrière de l'Association des déportés internés de la résistance avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Et ces résistantes œuvrent, organisent des cérémonies. Elles sont tout à fait visibles dans le champ public. Et puis, il y a Shoah, il y a le procès Barbie, qui est un électrochoc en 1987. Et la mémoire juive surgit. Et d'ailleurs, la plupart des témoins qui aujourd'hui que l'on connaît, qui vont dans les écoles, dans les lycées ou dans les collèges, ont pris la décision, au moment aussi de la lutte contre le négationnisme, de témoigner. Mais jusque-là, la mémoire juive est évidemment entretenue par les juifs eux-mêmes, par les déportés, mais elle n'est pas dans le public. Et là, évidemment, quelle est la figure qui émerge? C'est Simone Veil. Du coup, quand on disait à Denise Vernet, vous êtes la sœur de Simone Veil, elle était glaciale à ce moment-là. Et puis surtout, ce qui m'amusait, c'est qu'elle disait toujours « Oui, enfin, Simone Veil est ma petite sœur. » Alors là, c'était franchement... voilà. Mais ça n'empêche que ce petit mot comme ça, il y avait quand même cette différence, effectivement, de perception et de traitement. Sophie Naoum, dans tous ces survivants que vous avez rencontrés, vous avez ressenti aussi des différences de posture par rapport à la mémoire? Globalement, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, mais c'est une catégorie particulière, évidemment, puisque ce sont les derniers. Donc, ils étaient jeunes pendant la guerre, c'était des adolescents. Donc ça en fait une catégorie assez particulière. Donc, je ne parlerai pas pour tous les témoins et tous les rescapés, mais en ce qui les concerne, eux, ils ont commencé à parler très tard. Quasiment tous. Alors déjà, comme je vous le disais, parce qu'au départ, on n'a pas voulu les entendre. Enfin, c'est une des raisons. Et puis, j'ai l'impression qu'ils ont eu besoin que la société les reconnaisse aussi avant de parler. Donc, tout ce que vous avez cité, ils m'en ont évidemment tous parlé. Et puis, le discours historique de Chirac en 95, il faut quand même bien se rendre compte qu'il a fallu attendre 50 ans pour qu'un président de la République reconnaisse la responsabilité, en tout cas en partie, de la France. Donc pour eux, ça a été très important. Et Shoah de Lanzmann, les négationnistes, tout ça a déclenché leurs paroles. C'est quelque chose qui était en eux. Certains ont écrit secrètement pendant des années des choses qu'ils publiaient pas. Ils avaient besoin de se réapproprier leur histoire aussi à un moment donné et de la raconter, mais ça a pris très très longtemps. Et puis la plupart n'ont pas parlé à leurs enfants du tout. Il y a une espèce de réaction de protection mutuelle qui s'est installé où les parents voulaient protéger les enfants, les parents, voilà. Et puis ça s'est souvent dénoué avec les petits-enfants qui, eux, plus spontanément, ont été demandés « Papy, c'est quoi le numéro sur ton bras ?» Et ça, souvent, ça a changé la donne. Et nous entendons plusieurs fois citer ce nom, Lanzmann, et ce moment Shoah. Et bien justement, nous écoutons Lanzmann expliquer en 1994 sa démarche quand il réalise ce film, mais ce monument Shoah. Shoah, ça n'est ni un documentaire ni une fiction, c'est l'invention d'une forme nouvelle. Et précisément, je pense qu'il était nécessaire d'inventer une forme nouvelle pour faire face au défi de la représentation qu'un événement aussi écrasant que l'Holocauste nous pose à tous. Et mon travail, précisément, est un défi permanent à l'irreprésentabilité de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Je pense que Spielberg, et le talent de Spielberg n'est pas du tout en cause, sa virtuosité extrême n'est pas en cause, son honnêteté par rapport à l'histoire qu'il a voulu raconter, à cette histoire particulière et exceptionnelle, c'est pas du tout cela qui est en jeu là-dedans. L'idée même de fiction consiste à rendre, si je puis employer le mot, à rendre comestible quelque chose qui ne l'est absolument pas. Le mot est fort, hein, comestible. Dominique Misica, ce moment Shoah, donc où nous sommes au cœur des années 1980, est une rupture. Oui, parce que c'est un électrochoc, mais il y a eu un électrochoc aussi avec la série Holocauste. diffusée à la télévision, qui était le récit d'une famille en Allemagne brisée par la Shoah. Il est vrai que la perception de ce qui s'était passé de la Shoah a varié au fil des années. Il a fallu des films, des livres, des procès, et tout ça. Ça, il n'y a pas de moyen meilleur ou supérieur de l'un à l'autre. Pour moi, et je crois que c'est ça qui me reliait à Simone Veil et à Denise Vernet, pour moi, l'essentiel était de transmettre. Parce que quel était le message que les déportés portaient en eux? C'était pas de raconter ce qu'ils avaient eux-mêmes vécu. C'était d'honorer la promesse qu'ils avaient faite à ceux qui sont morts là-bas. Si tu t'en sors, raconte-le. Et ça, à partir du moment où ils en étaient empêchés, ils étaient furieux, indigné et en colère. Et c'est vrai que cette relation que j'avais avec les deux sœurs, Simone et Denise, était toujours leur impatience à ce qu'on ne faisait jamais assez. Et je me souviens, ça me frappait, c'est que quand je venais voir l'une ou l'autre, ça commençait toujours par « on vous a pas vu à la cérémonie, où est-ce que vous en êtes ? Mais vous avancez !» Alors d'un autre côté, elles étaient extrêmement bienveillantes, elles savaient soutenir les projets. Mais peu importait que l'on écrive une biographie, qu'on fasse une émission de radio, de télévision, l'essentiel était que l'on parle, que l'on transmette. Et ça m'a toujours beaucoup frappée parce que, au fond, quand je les voyais, elles savaient très bien que c'était de ça dont on allait parler. Et en fait, c'était direct, brusque et impatient. Si tu reviens, dis-leur, d'ailleurs, c'est le titre d'un des chapitres des Inséparables de votre livre, Dominique Missika, Sophie Naoum, vous avez exactement, quand on lit les derniers, votre ouvrage, ce ressenti de la part des survivants, ce besoin de parler, mais c'est pas un besoin uniquement pour eux-mêmes, c'est un besoin en écho à la société, voire à l'humanité. Ah mais tout à fait, c'est-à-dire que... Ils témoignent, ils ont toujours eu cette culpabilité de ne pas avoir tenu leur parole, de ne pas remplir leur rôle et de pas faire leur devoir. Et alors, c'est drôle, si j'ose dire, c'est que je pense tout de suite à Henri Zagenverger, qui était dans le même convoi que le père et le frère de Simone Veil. Et Henri Zagenverger, qui est donc le dernier de son convoi, le même. Donc, le convoi 73 vers les Pays-Baltes. Voilà, le seul à être parti vers les Pays-Baltes. Quand il m'a reçu, il m'a dit, vous voyez, quand je dois témoigner, je suis fatiguée, je suis un peu, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop le courage. Et puis ça revient parce que je me sens coupable et je me sens le devoir de le faire par rapport à tous ceux qui ne sont parvenus. Et quand je me retrouve face à des descendants, je suis un petit peu mal à l'aise d'être le seul. Je me dis pourquoi pas son père ou son grand-père. Donc tous ont l'impression aujourd'hui de remplir leur devoir et leur mission. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi très tourné vers l'avenir. C'est-à-dire que leur message, ce n'est pas du tout qu'un message mémoriel aujourd'hui. En tout cas, pour se souvenir des 6 millions de disparus, c'est vraiment aujourd'hui, je trouve, des combattants contre la haine. Enfin, c'est un message de courage, de résilience. Je veux dire, ils essayent de réveiller la société parce qu'ils y voient les mêmes dangers qu'à l'époque. Je ne dis pas que l'histoire se répète de la même manière, bien évidemment, mais l'histoire se répète toujours de manière un tout petit peu différente. Et donc, du coup, on a du mal à repérer. Donc eux sont là aujourd'hui pour nous mettre en alerte et c'est poignant. Enfin, moi, ça me bouleverse de voir ça. Et ça nous bouleverse aussi, Sophie Naoum. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, vivre avec le souvenir des camps dans la tête, témoigner et être le témoin des témoins. Dominique Missika, Sophie Naoum, c'est la même démarche d'aller au plus près, d'écouter ou simplement de recevoir sans parfois même le demander. Vous, Sophie Naoum, vous avez été voir ces survivants. Nous allons en écouter un. C'est un témoignage qu'on peut retrouver sur le site, c'est lesderniers.org. On peut, c'est en ligne, c'est accès libre. C'est le témoignage d'Henri. Quand sont sorties les lois anti-juives, mon père n'a pas voulu se mettre à dos l'administration a fait, comme malheureusement bon nombre de gens, elle a fait confiance à tout le monde. Quand il a fallu se faire recenser, il nous a recensés tous en tant que chef de famille. Donc ça aurait été facile de nous cueillir quand il y a eu la fameuse rafle du 8 octobre 1942. Une rafle que l'on appelle la petite rafle du Veldiv. Henri et sa famille font partie des 422 juifs enfermés dans la salle philharmonique de la ville. Au bout de quelques jours, alors on était là, on vivait dans l'incertitude, dans l'angoisse, on attendait. Et au bout de quelques jours, ils rentrent de nouveau des policiers, il y avait des Français, il y avait des Allemands, et ils demandent aux Juifs français de sortir des rangs. Mon père instinctivement me pousse, il me dit « mon fils est français », puis il lève mon bras. Parce que vous étiez français. Alors, je ne voulais pas sortir, je voulais rester avec mon père et ma grand-mère. J'ai éprouvé comme un espèce de sentiment de, si vous voulez, d'abandon. C'est après, évidemment, que j'ai compris combien mon père avait contribué à me sauver la vie, quoi. Le témoignage d'Henri, Sophie Naoum, un témoignage que vous avez recueilli. Il y a toujours quelque chose de troublant quand on se met au niveau de l'individu, de se rendre compte de ses destins brisés. C'est la même chose, Dominique Missika, avec la famille Jacob. Donc la famille Jacob, nous sommes dans un univers, mais tellement serein à Nice, et la guerre éclate. Le papa de Simone Veil, André, c'est la même chose que pour Henri. Nous sommes dans une famille juive, mais c'est elle qu'elle est juive même. Enfin, elle le sait, mais elle ne le pratique pas. Ce sont des républicains, donc ils obéissent à tout. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est toujours difficile à comprendre. De toute manière, je trouve que chaque histoire est singulière et chaque histoire mérite d'être racontée. Et dans le cas de la famille Jacob, c'est une famille, effectivement, qui vit à Nice, une famille bourgeoise, laïque. Bien sûr, on sait qu'on est juif. On est scout, surtout. Les quatre enfants sont scouts et ils sont pas inscrits aux éclaireurs israélites, ils sont inscrits aux éclaireurs neutres. Et ça, c'est aussi une dimension qu'on oublie, c'est que Simone Veil, comme Denise Verdet, elles ont été scouts. Hein, ça a quelque chose quand même qui les a... D'ailleurs, elles ont reconnu, et l'une et l'autre, que ça, ce sont des valeurs qu'elles ont, qu'on leur a inculquées. Donc c'est une famille insouciante qui vit en toute sérénité. Bien sûr, les débuts de la guerre, on l'a souvent dit, les juifs français, ceux qui d'ailleurs même parfois se faisaient appeler les israélites, étaient absolument persuadés que rien ne leur arriverait et que les juifs étrangers, d'ailleurs ce qui est vrai c'est que Vichy a commencé par livrer les juifs étrangers avant de livrer les autres, mais c'était une sorte de « ça arrivera aux autres ». C'est aussi pour ça la bascule de Denise, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant que dans une même famille, la réaction de Denise, qui est la deuxième fille de la famille Jacob, c'est une patriote. Elle est comme son père, ancien combattant de la Grande Guerre, patriote, on défend la France et elle ne supporte pas l'occupation de son pays par les nazis. Donc elle va s'engager dans la résistance. Et je trouve que c'est très important de mettre la lumière sur chaque destin. Il se trouve que effectivement après elle deviendra comme Simone Veil, elles deviendront célèbres entre guillemets, mais ça n'empêche que ces femmes que je voyais belles, élégantes, dans leurs appartements cossus, elles étaient tristes et je crois qu'elles n'étaient pas revenues des camps. Elles ne sont jamais revenues des camps, c'est quelque chose qui est resté. Et nous sentons, vous Sophie Naoum, quand vous allez recueillir des témoignages, qu'il y a systématiquement cette rupture qui est le moment de l'arrestation. Et c'est vrai que ça revient sans cesse, parce que ce moment-là est la bascule, et remis au niveau de l'individu, et là ça parle absolument à tout le monde, nous vivons dans des appartements, des maisons, un jour on vient, on vous enlève tout, vous quittez votre maison, on vous emmène, on vous met dans un train. Cette rupture-là, c'est extrêmement concret, et c'est pour ça qu'on sent que vos témoins en parlent toujours. Ah oui, bien sûr, mais vous savez, je sais pas, par exemple, Victor Perraya, il était à table avec sa mère en train de dîner. Ils étaient en train de manger comme tous les soirs à table, la maman et son fils. Enfin, et puis surtout, ce qui est bouleversant, et l'extrait d'Henri le montre bien, c'est que c'était des citoyens exemplaires. Ils avaient tellement confiance en leur pays respectif qu'ils ont obéi à tous les lois, à toutes les lois et tous les décrets. Enfin, c'est des gens qui ont été se faire recenser, qui ont été chercher leur étoile jaune, qui l'ont cousu eux-mêmes sur leurs vêtements. Enfin, ils n'auraient jamais pu imaginer que le destin qui les attendait, bien évidemment. Voilà, donc c'est poignant. Et on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, en tout cas moi j'ai du mal à l'imaginer, mais c'était un monde qui était le même que le nôtre. Les gens, et y compris les nazis d'ailleurs, avaient des familles, jouaient avec leurs enfants le soir, avaient lu des livres. On n'est pas dans une humanité différente de la nôtre. On est dans un monde qui fonctionnait pareil, avec des individus qui était tout aussi cultivé et sophistiqué et qui allait aussi au concert. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas... C'était des gens normaux, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà. Une vie normale. Une quoi. Vie normale, une voilà. Brisure absolue. Et puis, pour faire un peu écho à la manière dont vous construisez votre livre, Dominique Missica, il y a le avant, il y a le après. Et le pendant, est-ce qu'il est dissible ? Il est très difficile à raconter. Il est toujours vu par le filtre d'une mémoire et d'une douleur. En fait, c'est deux plans différents. Il y a les épreuves qui ont été surmontées pendant le camp. Ensuite, il y a ce retour qui était si moche, comme disait Simone Veil, parce qu'ils avaient rêvé, de ce retour. Et en fait, le retour ne ressemble à rien. Et comment revenir du camp ? On ne peut pas revenir du camp, on ne peut pas reprendre sa vie et aller... D'ailleurs, Denise Vernet racontait que quand elle rentre à Annecy, elle voit des gens jouer au tennis. Et ça la trouve... Bah oui, c'est qu'en fait, la vie a continué sans eux. Et donc, il faut se revenir dans la vie. Eh bien, on y revient parce que on y revient contraint ou forcé. Mais en fait, et que ce soit Denise ou Simone, le camp, c'était hier. Et en parler, c'est pas forcément trouver les mots, mais c'est en parler une fois de plus pour dire que d'autres ne sont pas revenus, parce que ceux qui ne sont pas revenus ne sont pas là pour témoigner. On l'oublie. Donc, ils ont besoin. Et cette urgence de le dire, de le raconter, c'est quelque chose qui les vraiment les tient. Et je crois que c'est ce qui les tenait en vie. C'est ce qui les tenait en vie et c'est ce qui est au cœur des témoignages. Hein, alors on ne disait pas devoir de mémoire, mais simplement raconter, ne pas raconter ou alors oublier. Sophie Naoum, nous allons écouter un témoignage qui vient de votre ouvrage, hein, Les Derniers, un témoignage qui nous est lu par Olivier Martineau ce matin dans le cours de l'histoire. Ce témoignage, c'est celui de Jean. Au départ, j'ai voulu oublier. J'ai essayé d'enterrer ça au plus profond de moi-même. Pourquoi le sort a voulu que je survive ? Je ne le sais pas. Toute ma famille est morte. Je me suis retrouvé tout seul à la Libération. Encore aujourd'hui, quand les souvenirs me reviennent, c'est comme si on me tirait dessus. Dès que mes souvenirs remontent, je deviens blême. J'ai l'impression qu'on m'étrangle. Même à mon âge, ça me rend malade à crever. Mes souvenirs m'étouffent. J'ai 92 ans et je n'ai pas digéré. Je devrais savoir nager maintenant. Mais en ce qui me concerne, on ne sort jamais la tête de l'eau. Témoignage de Jean tiré de l'ouvrage Les Derniers de Sophie Naoum dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père et Le Gras avec aujourd'hui à la technique Sylvain Latu et Florent Bujon. Nous l'entendons dans ce témoignage de Jean. Au départ, j'ai voulu oublier. En fait, c'est impossible d'oublier, Dominique Missica. Oui, au départ, j'ai eu envie d'oublier. Je ne sais même pas s'ils ont essayé d'oublier. Je ne suis pas absolument convaincue parce qu'il y a dans les témoignages beaucoup de reconstruction. Et c'est pour ça que pour travailler sur les sœurs Jacob, les archives, je trouve, disent beaucoup, parce que au moins c'est contemporain de leur retour. Et quand j'ai lu dans la demande de bourse d'études de Simone et de sa sœur Milou en septembre 45 et qu'elles écrivent toutes les deux père et frère sans nouvelles. Ça veut dire qu'en septembre 1945, alors qu'elles reviennent d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, elles espèrent encore, ou en tout cas elles croient au retour de leur père et de leur frère. Et ça, c'est une trace. Ça, j'étais très touchée quand j'ai trouvé cette archive, parce qu'au fond, je me suis dit, ça, Simone Veil ne l'a jamais dit. Que, alors après, elle expliquera qu'il aura fallu 78 et le mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld lui apporte pour qu'elle réalise qu'il était parti par le convoi 73. Mais quand même, y croire encore, donc oublier, non, j'y crois pas. Et malgré tout, ce que vous dites là est quelque chose de troublant, de se dire qu'il faut attendre les années 1970 pour que Simone Veil voit un document où on lui dit il est parti le convoi 73 vers les pays baltes et très peu sont venus, quelques-uns sont venus. Vous avez rencontré un survivant d'ailleurs, Sophie Naoum. Oui, alors juste pardon pour rebondir sur le témoignage de Jean. En fait, c'est vrai que Jean, c'est très particulier parce qu'il était polonais. Il vient de Pologne. Et en fait, les Polonais, j'en ai rencontré quelques-uns, Élie, Armand, ils ont vraiment tout perdu et ils le savaient. Donc Jean, pour lui, revenir en Pologne, c'était se suicider. Il le dit très clairement, le monde qu'il avait connu avait disparu, il n'avait plus personne. Donc c'est vrai que c'est pas tant oublier les camps, mais lui, il est arrivé à Toulouse et il a fallu qu'il reprenne une vie de zéro. Donc il a essayé d'oublier parce que, en réalité, il n'a rien retrouvé du tout. C'est très différent, il me semble, dans le sens où lui a dû vraiment repartir d'absolument zéro. Il a évidemment pas du tout réussi à oublier, hein, je veux dire. Mais c'est un peu comme Élie, c'était ce besoin de se mettre des œillères pour avancer, parce qu'il n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Mais en réalité, il le dit très vite aussi. Il dit évidemment qu'on n'oublie pas et qu'on ne peut pas du tout oublier. Voilà. On ne peut pas oublier. Et parfois, c'est étonnant, mais un souvenir revient à la mémoire, et dans votre ouvrage, Sophie Naoum, il y a des choses, j'ose même pas dire souvenirs, des objets que certains déportés ont ramenés des camps. Il reste, alors il y a une gamelle, il y a cette tenue rayée, ils vous les ont montrés, c'est-à-dire que ça a été conservé, imagine la charge d'émotion que ça peut porter. Oui, alors ça, vous faites référence à Armand Bulva, qui d'ailleurs sort un livre sur son histoire là. Armand Bulva aussi, c'est un Polonais, c'est le meilleur ami d'Élie Buzyn, et il a lui aussi absolument tout perdu. Armand Bulva, pendant le tournage, en effet, il a tout d'un coup sorti son trésor de son placard, comme il l'appelle. Je m'y attendais pas. Enfin, j'essaye de garder une vraie spontanéité, une vraie fraîcheur dans mes rencontres. Donc, je lui ai demandé, mais vous avez des choses? Et tout d'un coup, il me dit, oui, venez dans ma chambre, alors on y va. Et il me sort sa gamelle de Buchenwald et sa tenue. J'ai trouvé ça absolument poignant. Et bêtement, je lui dis, mais pourquoi vous avez gardé tout ça? Et c'est sa réponse qui est poignante, c'est parce qu'il me dit, mais parce que vous savez, on n'est pas obligé de me croire sur parole. Comme si c'était devenu sa responsabilité, ou enfin son combat aussi à lui, de prouver ce qu'il avançait. C'est bouleversant, cette scène avec cette veste, cette gamelle et cette ceinture que Élie Buzyn lui a offerte à Buchenwald et qui lui a sauvé la vie. Oui, parce que le pantalon était trop grand. Parce que le pantalon tombait et que ça le vouait aussi à une mort certaine, parce qu'il pouvait pas, pour travailler, pour les appels qui duraient des heures, tenir son pantalon. Voilà, donc cette ceinture l'a sauvée. Sophie Naoum, Dominique Misica, vous êtes désormais témoin des témoins, mais j'ai presque envie de dire que voilà, nous le sommes tous, parce que nous portons cette histoire, c'est notre histoire tout simplement, cette démarche de témoin, c'est comme cela que vous construisez votre rapport à la Shoah? Oui, j'ai le sentiment que on m'a confié une mission, en fait. J'ai une sorte de dette Il se trouve que j'ai rencontré, je les ai une fois de plus quand j'étais dans avec Simone Veil ou Denise Arnay, que je voyais leurs yeux tout d'un coup tristes, perdus, etc. Je me disais mais il faut que je le raconte. Je suis pas une historienne universitaire, mais j'ai besoin de me nourrir et de leur rendre ce qu'ils m'ont donné, parce que il y a tellement d'humanité, tellement de grandeur, d'élégance, en effet, que on a envie d'être à la hauteur du message qu'ils nous font passer. Et c'est pour ça aussi que leur exigence, qui était pourtant parfois difficile et de Denise aussi, qui était très brusque, qui disait ouais, enfin, vous avancez très lentement dans votre travail. Oui, bon, je fais pas que ça. Voilà, vous avez pas vu un tel, ça tout. Oui, mais il y avait cette elles en avaient tellement envie et toutes tous et toutes vous donne l'impression de vous confier un cadeau, donc faut l'honorer. C'est la même chose hein, pour vous, Sophie Naoum. En plus, il y a quelque chose de très humain, parce que vous allez chez les gens et vous allez voir des survivants des camps, de l'horreur. Ce sont des êtres humains qui vous accueillent avec le sourire, et c'est normal, et que la vie est là. Et puis d'un seul coup, au milieu, à côté d'une tasse de café, d'un moment de vie, apparaît un discours qui est un poids pour vous, mais que vous devez également transmettre témoin de témoin. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai à peu près le même ressenti que vous, Dominique. Enfin, même si j'ai commencé beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que il vous confie une mission, il vous passe un relais. Moi, j'en ai rencontré 25, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir plus intégré ou mieux compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai toujours le même effroi face à une photo, face à un discours. On ne s'habitue pas, je ne connais rien à la Shoah, je suis à des années-lumière de comprendre ou d'intégrer ce qui a pu se passer. En revanche, je me suis retrouvée face à des êtres humains qui ont vu ce dont l'homme était capable de pire et qui me livrent un message de courage, d'espoir, de résilience. Et je me sens un devoir de transmettre ce message-là, enfin de les montrer sous ce jour-là. C'est-à-dire que vraiment, c'est un peu bête à dire, mais j'ai l'impression d'être face à des gens qui ont un surcroît d'humanité. C'est très bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais vous savez, c'est vraiment des gens comme s'ils savaient, jusqu'où pouvait aller le mal, et ils essaient juste de vous alerter. Et voilà, ça, j'essaye de transmettre ça un tout petit peu. Et ben, vous le faites très bien, Sophie Naoum. Merci beaucoup. Donc, c'est votre ouvrage, Les Derniers, aux éditions Alizio. Et puis, c'est surtout ce site également qu'on peut aller voir, mais les deux se complètent très bien. C'est lesderniers.org. Et merci beaucoup à vous également, Dominique Missika, Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs. Et puis, nous, les enfants de la guerre 1939-1945. Regardez cette mémoire, la Shoah, au niveau de l'humain. Et puis, ce petit écho, mais on l'a fait pendant l'émission Contemporain, faut pas l'oublier, le contexte nous le montre très bien. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de rejoindre Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans votre journal, l'histoire d'un photographe et de son regard sur l'histoire. Ce regard, c'est celui de Gilles Caron, photographe prolifique, qui a couvert l'actualité particulièrement heurtée et dramatique de la fin des années 60. 6 années de reportage que la réalisatrice décide d'explorer pour restituer la démarche du photographe à travers son regard au sens propre du terme. Elle obtient les 100 000 négatifs conservés sur un disque dur et reconstitue les événements photographiés du point de vue de Gilles Caron, suivant la succession des photos prises sur le vif, pour retracer l'expérience des sens du photographe en action. Je me suis aperçue que certaines de ces photos habitaient ma mémoire. La guerre des 6 jours, mai 68, le conflit nord-irlandais, la guerre du Vietnam. Et puis sa disparition au Cambodge, en 1970, il a tout juste 30 ans. J'ai voulu comprendre son parcours, sa manière de voir le monde. 6 années de reportage, 100 000 photos, 2590 planches contact, c'était elle qui allait pouvoir nous restituer quelque chose de son regard. À travers l'observation poussée de ces milliers de planches contact, Mariana Otero entre dans la fabrique de l'image, dans la subjectivité du regard de Gilles Caron, qui le guide au fil de ses clichés. Dans cette succession sans tri, sans sélection, on voit les inédits, les succès de presse, les ratés, les moments d'attente, de recherche de l'objet du désir du photographe qui se fait attendre. Sous nos yeux se nouent les rencontres comme celle de Daniel Cohn-Bendit en 68. Une série de photos littéralement coproduites par le photographe et le manifestant qui s'échangent des regards entendus convenant de la pertinence de son face-à-face avec un CRS devant le rectorat de Paris. Des événements majeurs ou minuscules qui attirent le photographe et déclenchent l'histoire qu'il trouvera à raconter. Gilles Caron a disparu, mais il reste ses photos et quelques minutes d'entretien, la voix accompagne les images. Vous allez faire la première à l'Olympia, il faut trouver à chaque fois la petite histoire, trucmuche avec trucmuche qu'on va vendre le lendemain, France Dimanche ou ici Paris, tout ça. Gilles Caron parcourt en quelques années la vie mondaine et les grands conflits, la guerre du Vietnam, 68 à Prague, la guerre du Biafra, la guerre d'Irlande ou encore celle du Tchad. Pour chaque série, Mariana Otero scrute la succession des prises de vue pour comprendre le cheminement de son regard. Un exercice particulièrement réussi sur l'entrée de l'armée israélienne dans Jérusalem en 1967, lors de la guerre des Six Jours. Un exercice pour lequel la réalisatrice convie l'historien Vincent Lemire à déchiffrer le parcours effectué ce jour-là par le photographe, tombé par hasard sur un des moments les plus forts par sa portée symbolique, lorsque les soldats de Tsahal atteignent le mur des Lamentations et l'embrassent comme une terre enfin retrouvée. Une série de photos, son premier reportage, qui sera publié partout à travers le monde. C'est intéressant de voir quand il fait des photos et quand il n'en fait pas. Donc quand il rentre dans la vieille ville, pourquoi il photographie par là ? C'est quand même mis au bon endroit, parce que lui, il a vu avant et après. Si le jeu de la reconstitution de son cheminement, de son histoire dans l'histoire est particulièrement ludique, c'est aussi un exercice sur la construction de l'événement. Ce mur des lamentations, personne ne l'attendait dans cette guerre qui ne devait pas atteindre la ville, et c'est pourtant une des images les plus diffusées et représentatives de l'imaginaire de ce jour-là, nimbée de religiosité pourtant pas si présente à l'esprit des acteurs de l'événement. Le film de Mariana Otero nous dit aussi que l'image se construit avec l'expérience de celui qui la saisit ou de celui qui la regarde. Les guerres photographiées par Gilles Caron portent en elles une autre guerre, celle d'Algérie, qu'il a faite en tant qu'appelé pour le pire. Histoire d'un regard, c'est un bel hommage, mais c'est aussi une belle démonstration de la puissance des images et de ce qu'elles ne recèlent d'aucune vérité absolue ou universelle. Merci beaucoup Anaïs. Pour retrouver Mariana Otero, Gilles Caron et toutes les informations, il suffit de se rendre sur la page du Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar, à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr, en podcast ou nous rejoindre sur le groupe Facebook. Demain, de l'hiver 1944-1945 à l'âge global, rencontre avec l'historien Yann Kershaw, le biographe d'Hitler. L'âge global, c'est le titre de son dernier ouvrage. À demain.